L'actualité à Nancy et ailleurs. Le lycée Jeanne d'Arc à Nancy est le théâtre pendant deux jours des débats modèle United Nations. Qu'est-ce et bien la réponse avec Yoni. Bonjour Yoni. Bonjour Yves. Tu es lycéen à Jeanne d'Arc, en quelle classe? Alors moi je suis en classe de terminale en section internationale britannique. Qu'est-ce que c'est que modèle United Nations? Modèle United Nations ou alors les MUN, ce sont les débats qui vont se dérouler sous deux jours et qui prennent la forme des débats qui se déroulent aux Nations Unies, où donc les élèves vont avoir vraiment les rôles des délégués des Nations Unies, enfin ils vont représenter un pays dans les différentes instances, si je peux dire, des Nations Unies. Par exemple, il va y avoir le Conseil de sécurité, le Conseil de l'Arctique ou encore le Conseil des droits de l'homme et des enfants. Et en fait, on va vraiment avoir un pays qu'on représente comme les États-Unis ou encore la France, par exemple. Donc c'est vraiment une mise en situation. C'est la première fois que c'est organisé à Jeanne d'Arc? Pas du tout, c'est la 7e année qu'on le fait. Est-ce que c'est que pour les terminales ou dès aussi la seconde, les premières participent aussi? Tout à fait, donc quand on est en section linguistique, comme la section internationale britannique, allemande ou encore espagnole, on est obligé d'y participer depuis la seconde. Mais les autres élèves en section générale, qui ne font pas de langue, peuvent participer s'ils s'inscrivent aussi. Mais eux, c'est vraiment sur la base du volontariat. Tandis que nous, ça va être obligé. Donc ça se passe sur deux jours, mais j'imagine que ça se prépare longtemps à l'avance? Oui, ça se prépare à l'avance. En fait, on va vous donner un papier pour récolter un maximum d'informations sur le pays que vous représentez. Par exemple, si c'est la France dans le droit des enfants, elle va pas avoir la même situation qu'un pays où les enfants travaillent illégalement et travaillent dans des chaînes de production, par exemple. Donc, il faut vraiment savoir la position de son pays par rapport à la politique du débat. Là, le thème, c'est les frontières. Un pays qui a ouvert ses frontières comme l'Allemagne va plus être, par exemple, favorable aux immigrés que les pays qui ont décidé de fermer leurs frontières et qui sont plus nationalistes, par exemple. Donc les élèves se mettent vraiment dans la peau de ces personnes voilà. Avec leurs intérêts à défendre. Dans c'est ton ça, cas, oui. Yoni, toi, quel pays tu vas défendre et quelles idées surtout? Alors, cette année, je fais partie de la team média, c'est-à-dire que je dois contacter les journalistes et prendre des photos. Ouais. Mais je peux vous parler de mon expérience des années précédentes. Bien sûr. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être les États-Unis pour les droits des enfants à l'UNICEF. Donc, représenter les États-Unis, c'est un grand enjeu parce que quand on s'y penche de plus près, ils financent quand même beaucoup de projets pour les droits des enfants. Et donc, c'était assez facile de faire des alliances. C'est assez facile d'être les États-Unis parce que ils ont quand même pas mal de pouvoir dans ces débats-là, avec le droit de veto aussi notamment. Mais j'ai aussi représenté le Mexique il y a deux ans. Et là, c'était vraiment plus un challenge parce que fallait faire plus de coalitions, fallait vraiment convaincre les pays de joindre ton coalition alors que ce n'est pas une première puissance mondiale. Dans les deux cas, j'ai vraiment adoré et je pousse tout le monde à faire les MUN, quoi. C'était vraiment génial. Combien d'élèves à peu près qui participent à chaque année? Ce n'est pas le chiffre exact, mais je dirais qu'on est quand même 300-400 quand même. Quand même, effectivement. Oui. Sur les deux journées, quels sont les temps forts? Les temps forts, je dirais que c'est vraiment la cérémonie d'ouverture parce que l'année dernière, du coup, à la cérémonie d'ouverture, on nous présente vraiment le thème sur lequel on va débattre avec une vidéo qui introduit l'enjeu pour vraiment mettre tout le monde dans cet esprit qu'on est vraiment une équipe, on cherche tous une solution et c'est les frontières. Il y a aussi l'Assemblée Générale où on va montrer certaines résolutions qui ont été prises par les pays. Donc on va en fait les afficher et on sera tous là, tous les délégués. Et c'est vraiment des moments forts parce que tout ce qui a été dit dans les débats individuellement par petits comités se met vraiment en commun et tout le monde peut voir les résolutions qui ont été prises. Et là, c'est tout le monde qui vote en fait. Tous les pays y votent. Et je parlerai bien sûr aussi de la soirée des MUN qui est le premier soir, donc jeudi soir, qui est un moment fort aussi parce que les élèves, ils travaillent énormément en amont pour préparer les MUN. Et ça, c'est vraiment un moment plus convivial et c'est un moment fort parce que ça crée aussi de bons souvenirs. Oui, et ça va se passer à l'octroi, c'est ça? À l'octroi, exactement. Qu'est-ce que tu retires, toi, personnellement, de toute cette expérience des années précédentes? Alors moi, ce que j'en retire, c'est que les MUN, je trouve que ça nous prépare vraiment à avoir plus de facilité à l'oral. Moi, je me sens plus à l'aise à l'oral quand je faisais les MUN parce que on parle devant les gens et en fait, on doit adopter un certain protocole. C'est vraiment formateur et on développe des facilités à l'oral. Mais aussi, je dirais, le travail d'équipe parce que on doit faire des coalitions d'États pour supporter une résolution sur ce qu'on veut changer. Et vraiment, c'est tout un travail de plaidoyer pour avoir un maximum d'États qui rejoignent notre résolution. Je dirais que ça nous apprend tout ça. Merci beaucoup, Yoni. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.